Chapitre 51e. Capdeville, après avoir dépouillé la veuve, était allé à Rouen, mais il ne tarda pas à se rapprocher de Paris. Toutefois, il n'y choisit pas sa résidence, en proie à des chagrins domestiques, dégoûté du monde et de ses perfidies, mécontent de sa santé, de lui-même et des autres. Capdeville est un misanthrope qui veut à toute force s'enterrer à la campagne. Dans ce but, il parcourt les environs de la capitale. À Belleville, il remarque une maison dont l'isolement convient à son amour pour la solitude. C'est sous les ombrages de ces lieux qu'il va désormais promener sa mélancolie et exhaler les soupirs d'une âme souffrante. Capdeville loue un appartement dans l'habitation sur laquelle ses regards se sont affectueusement reposés. Mais un misanthrope ne saurait longtemps supporter l'abri du même toit que les êtres humains. Il lui faut une demeure où il puisse ignorer qu'il n'est pas seul sur la terre. Il exprime, en conséquence, le désir de se la procurer, n'importe à quel prix. Pourvu qu'il ne voit plus vestige de cette société dont il a tant se plaindre, il s'accommodera de tout, d'un château comme d'une chaumière. Capdeville annonce hautement l'intention d'aller à la découverte de l'ermitage où s'écouleront ses vieilles années. Il s'enquiert de toutes les propriétés rurales qui sont en vente dans un rayon de 10 lieues. Bientôt, il est d'une autorité publique, il se propose de faire une acquisition. On connaît bien dans le pays quelque chose qui ferait son affaire, mais il ne veut que d'un bien patrimonial. « Eh bien, dit-on, puisqu'il est si scrupuleux qu'il cherche. » C'est en effet le parti qu'il prend. Déterminé à faire une tournée, afin d'examiner ce qui pourrait être à sa convenance, il s'occupe ostensiblement des préparatifs de son départ. Il ne sera absent que 3 à 4 jours. Mais avant de s'éloigner, il est bien aise de savoir s'il n'y a point de danger à laisser dans un secrétaire quelques 10 000 francs qu'il souhaiterait ne pas traîner avec lui. On le rassure sur ce point, et plein de sécurité, il n'hésite plus à se mettre en voyage. Capdeville ne va pas loin. Durant son séjour dans la maison qu'il vient de quitter, il a eu le loisir de prendre toutes les empreintes dont il a besoin pour pénétrer dans le logement du propriétaire. Il a en outre observé que ce dernier est dans l'habitude de dîner à Paris et qu'il ne rentre que très avant dans la nuit. En revenant à la brune, Capdeville est donc certain d'avoir devant lui tout le temps nécessaire pour opérer. Le soleil couché, à la faveur des ténèbres, il passe inaperçu dans Belleville et s'étant introduit dans la maison à l'aide de fausses clés, il ouvre l'appartement du propriétaire dont il emporte jusqu'au linge. Vers la fin du 5e jour, on commence à s'inquiéter de ce que le misanthrope ne reparaissait pas. Le lendemain, on conçut des soupçons. 24 heures plus tard, il n'y avait plus sur son compte qu'une seule opinion, il était le voleur. Après un pareil tour, fiez-vous au misanthrope? À qui donc se fier? Au philanthrope? Pas davantage.